de la chope sauvadeur. La salope à toi, se fait aller. Je vais la rejoindre à l'heure. Chouchou que je récupère un salaire. Un gros billet. Pour l'instant, ça se passe. Je suis resté sur un vrai humble et pisse. C'est toujours. Du moment que je gratte ma tête, c'est le CDN Vex a pris toute la place. Et toutes les couleurs, toutes les saveurs. Faut mettre le bon prix pour que tu savoures. Mon cerveau n'est plus, je me suis servi. Je me suis jamais mélangé au super. À peu près, c'est nous qui la ramenons. Mettons, c'est YouTube qui nous rémunère. Et coupe, recoupe, recoupe. Y'en a assez pour elle. Qu'elle veut que je l'attrape par les vœux. Ce que je veux, c'est chez Crabbe, sa bouche. Les chiffres qui nous a rendu moche. Les gros payeurs qui nous rendent fous. Les descentes de cut sur le four. Le menteur, j'en t'ai rentré tard. Si t'es mon frère, je tire. Je te donne mon dossier. T'es un traître. T'as cru qu'on allait se raconter nos vœux jusqu'à quand? Dans mes DM, j'arrive pas à choisir la quête. Je regarde encore. Et une seule fois, d'après bonne à Ken. Si elle veut ma queue, je vais la ramener dans le premier hôtel. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'ai payé, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles, oh donc je roule un dernier joint. D'abord moi c'est ma go, et ensuite je m'occupe de toi. C'est vrai là j'en rends beau, plus de groupes, plus de pubs, mes poches se remplissent. Ouais. De qui vous t'ai jamais vu, là. Parce que je n'ai jamais pensé ça dans ma vie. Ma vie ouais. Et puis tu disais vrai, tout tu disais vrai. Moi quoi tu disais vrai, moi tu disais vrai. Je crois prendre ses rêves et travailler dur pour y arriver. Des fois je repense aux bêches, aux règles de la gare, au manque de détails. Et toi les jours de neige, il faut faire des lettres, les barrettes se cassent. Ouais. Je suis toujours dans le fond du bec, surtout qu'après le passage d'un autre qui cause. J'ai pas retourné ma veste, tu fais avec les mains, demande aux autres. Fais deux plaies dans la piscine, complètement rabat sous diaconé. Médaille, je vois dans quel sven, je suis le seul à bédard dans l'hôtel. Je sais que je vais lui mettre, avant de nous coucher, je retire la montre. J'allume un dernier pet, avant de l'envoyer, éteindre la lumière. T'as cru qu'on allait se raconter nos vœux jusqu'à quand? Dans mes DM, j'arrive pas à choisir la quête. Je regarde encore, et je vois la plus bonne à Ken. Si elle veut ma queue, je vais la ramener dans le premier hôtel. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'étais vieux, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles, oh donc je roule un dernier joint. D'abord moi c'est ma go, et ensuite je m'occupe de toi. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'ai perdu, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles, oh donc je roule un dernier joint. D'abord moi c'est ma go, et ensuite je m'occupe de toi. Et ensuite je m'occupe de toi. Et ensuite je m'occupe de toi.